cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. نكمل هذه القاعدة إن شاء الله. نعم وصلنا إلى القسم الثالث أي الذين جعلوا معاني الصفات المتبادرة إلى الذهن باطلة لأن هذا يلزم أو يستلزم عندهم التشبيه فهؤلاء مثلوا أولا وهذا التمثيل الذي وقعوا فيه وقعوا بعده في التعطيل قال رحمه الله ومذهبهم باطل من وجوه أي مذهب المعطلة قال أحدها قال شيخ ابن تيمين أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له أو ولا مراد له لأن عندهم هذا النص في الصفات سيدو التشبيه أو دو تمثيل وهذا سباطل فلهذا هؤلاء إذن يبزوان كم يبخطون إما دنيا إما دو d'expliquer ce texte, le déformer, le tahrif. لهذا قال شيخ ابن تيمين جناية على النصوص حيث جعلوها على معنى باطل فعندهم c'est comme si ce nas il avait un معنى باطل فايف الكوريجي إما tu le renie إما tu l'expliques avec une explication qui n'est pas باطلة وهذا c'est grave لأن هذا النص الآن c'est من الوحي c'est من كلام الله عز وجل أو c'est من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قال الوجه الثاني دوزيامو أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين أن نصوص الأسماء والصفات تبقى على ظاهرها لأن القرآن اللي بلسان العرب كلام واضح فصيح مبين لا يحتاج إلى هذه التحريفات أبدا قال ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي c'est ça qu'on a expliqué la règle أن معاني الصفات ما يتبادر إلى الذهن tu lis un texte du Coran ou de la Sunna ou qui est une sifa fait tu comprends cette sifa لأن tu comprends la langue arabe et le texte est la langue arabe bien sûr sans faire ressembler à la créature قال والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر C'est le prophète عليه الصلاة والسلام. Al-fasaha, c'est l'éloquence. قال فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم ذلك اللسان العربي. C'est ça la règle qu'on a vu. أنت tu restes على الظاهر. Et ce ظاهر, il n'implique pas de باطل أبدا. لأنه ce ظاهر c'est من كلام الله أو من كلام الرسول. Parce ça n'implique pas un باطل أبدا. Ça n'implique pas la ressemblance avec la créature. قال غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. استغل كنا بفي أن أبخو للتكست في الأسماء والصفات على الظاهر et on s'éloigne de deux choses graves. Le تكييف أي donné à comment on le connaît pas أو التمثيل التمثيل سباطل ليس كمثله شيء هذا تقدم قال الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم نعم troisième point ceux qui soi-disant ils interprètent comme ils appellent ça c'est du tahrif les textes في الحقيقة ils parlent على الله بلا علم لأن qui c'est qui lui a dit cette explication c'est pour ça que tu trouves entre eux أحيانا ils divergent واحد يدين une explication un deuxième il vient donner une deuxième explication qui est différente de la première أما السني لا الله إلى دوما إلى دوما يبقى بصو علم لأن إلى النص بل يداه مبسوطة فإغست على هذا قال لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فصا في بارتي دي كبائر بل صا في بارتي دي من أعظم من أكبر الكبائر القول على الله بلا علم لأن القول على الله بلا علم سي ساكا بوسي لي جون أفير دو شرك أفير دو كفر أفير دو تعطيل أفير دو تمثيل والعياذ بالله قال ف فالصارم لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف قد قفى ما ليس له بعلم. نعم أي celui qui fait sortir ce texte de son ظاهر أي ce texte qui parle de demain هو يدل c'est la force. فهذا قد قفى ما ليس له بعلم. هذا الآن il est en train de dire une chose dont il n'a aucun علم. قال وقال على الله ما لم يعلم من وجهين. Il est en train de dire une chose sur Allah subhanahu wa ta'ala sans ilm. Et sur le Taïmin, il cite deux points. قال الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. نعم. أولا الله سبحانه وتعالى il a révélé un verset clair avec la langue arabe, lisan arabi al-mubin. هو يبيد إلى En fait, c'est pas demain, c'est la force, ou c'est la ni'ma, ou tahrifat al-dhullal, ma'roufa. Ça, c'est la première chose. قال الثاني أنه زعم أن المراد به كذا المعنى. قال أنه زعم أن المراد به كذا. لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. Pour lui, ce texte, le ظاهر, c'est pas un murad pour lui. أي, il doit l'interpréter et il change le sens. فتأمل لما جاءت في القرآن دما بل يداه مبسوطتان الأشعري أولا الظاهر pour lui c'est pas un murad أي الله il a dit main mais en fait c'est pas des mains il parle sur Allah sans ilm الآن qui sait qui lui a dit أن المراد c'est pas كذا deuxièmement il explique quoi ses mains parce que tu lui dis ya fulan c'est quoi l'explication des mains il va te dire la force il reparle sur Allah sans ilm والعياذ بالله إذا كان من المعلوم أن التعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام أي si t'as deux معنى elles sont proches si tu choisis une d'elles sans dalil t'as parlé sans علم ما بالك deux paroles complètement différentes مثل الأشاعرة الآن les mains ils ont expliqué par une معنى une autre ليش هذا سنقول بلا علم قال شغل عديمين مثال ذلك الآن يبدونان بذلك قال قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فالله سبحانه وتعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الشاهد منه أن الله إلى دوما بيدي قال فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد أو لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قل له لفرسيل كله بيدي فسي إديس أشعري لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين هكذا يسوء يوجد dans le verset الله نعم il a parlé demain لكن il a pas voulu des vraies mains. قلنا له ما دليلك على ما نفيت اولا c'est quoi ton dalil tu dis c'est pas des vraies mains c'est quoi ton dalil si nous on lui dit c'est quoi votre dalil on lui répond quoi lui peut nous dire et vous c'est quoi votre dalil que c'est des vraies mains qu'est-ce qu'on lui répond le verset ظاهر النص قال عز وجل لما خلقت بيدي le Coran il est en langue arabe j'ai compris demain c'est demain t'as pas un dalil il peut pas te contredire sur ça t'as un ظاهر lui va te dire là mais l'apparence du verset c'est pas ça c'est quoi ton dalil moi je t'ai cité mon dalil cite le tien il aura pas de dalil قال ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت deux choses لأن ينفي هذا الأشعري لفغمة ويثبت un autre sens مثلا on va lui dire c'est quoi ton dalil qu'Allah il n'a pas de vraie main il ne pourra pas répondre on va lui dire deuxième question c'est quoi ton dalil que ses mains c'est la ni'ma ou c'est la force c'est quoi ton dalil قال الشيخ ابن عثيمين فإن أتى بدليل وأنى له ذلك الشيخ ابن عثيمين il dit si il emmène un dalil ثم il dit وأنى له ذلك أي S'il emmène un dalil, et il n'emmènera pas de dalil. Mais il ne peut pas emmener un dalil sur un bâton. قال جمل تيمين وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الآن son نفي, il est sans علم, il dit qu'Allah il n'a pas de main. Et son إثبات, que ses mains, en fait ça veut dire la force, il n'a pas de dalil. Deux points parle sans ilm. Al-Ithbat ou Al-Nafi. هذا c'est un wajh, il est muhim, Al-Thalib. Qala al-wajh al-rabi' toujours في إبطال مذهب أهل التعطيل كما قال شيخ ابن تيمية. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص والصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا. Nous peut leur dire cite-nous un dalil du prophète عليه الصلاة والسلام أو une parole d'un salaf et prétend ce que tu dis الآن. Alors c'est qu'un salaf il ne faisait pas هذا التحريف. Ça montre qu'un al-madhhab il est batil. لأن ça serait un bien, ça serait حق. السلف il l'aurait fait avant هؤلاء. قال لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. Ça montre أن الحق لواحد. Celui qui s'écarte de ce حق il tombera dans le batil. كائنا من كان. فالأشاعرة ils ont donné cette tariqa de Rasoul ou al-Sahaba dans le Sifat, ils se sont égarés. قال الوجه الخامس أن يقال المعطل. Sur l'intermin il pose une question. هل أنت أعلم بالله من نفسه. Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit dans le Coran. Il a des mains, il a un visage, il a la force, il a le rahma, il voit, il entend. فالآن la question, est-ce que tu connais Allah mieux que Allah. Il va répondre, fa sayaqulu la. Fa il va dire la. Il peut pas dire oui. Qala shaykh al-Uthaymeen, thumma yuqalu la, hal ma akhbara Allah bihi an nafsihi sidqun wa haqq. Deuxième question, est-ce que les informations que Allah nous a citées dans le Coran et il a révélé à son prophète dans le Coran et dans la Sunna c'est haqq. Fa sayaqulu na'am. Si il dit non, c'est un kafir. Il y en a, il demande le Coran et la Sunna. Fa il va dire na'am. فأنت تريدي ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى. Est-ce que tu connais un كلام يعني qui est plus éloquent, qui est plus clair que كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. Il va répondre لا. فسيقول لا ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم فسيقول لا. الآن تزا سين غبوس أبو حرفة. الآن تذكر أن الله لا أعلم بنفسه. أيها المعطل تذكر أن كلام الله وكلام الرسول صحيح. تذكر أن كلام الله وكلام الرسول il est clair et c'est أفصح الكلام. الآن est-ce que tu peux t'imaginer أن الله il a révélé des versets qui sont pas clairs, on est obligé de les interpréter. Est-ce que tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu compliquer la chose à ses serviteurs et il cite une ma'ana et en fait c'est une autre. Fa sayaqulu la. Anta tu conclus, fa limada tu fais tout ce tahrif. Si tu es d'accord avec tout ça, limada tu te sens obligé de changer la ma'ana. Et al-Ash'ari il est hakada. Il entend des versets ou des hadiths, il se sent obligé de changer le ma'ana. Il y en a pour lui ça fait ressembler aux créatures. Il se contredit. Si tu es sûr de toi et tu crois à la parole d'Allah, أنها c'est حق et la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, t'as pas besoin de tout ça. أبداً. قال الشيخ ابن تيمين هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. قال الشيخ ابن تيمين أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول له. الآن on lui pose la question, c'est qui connaît mieux Allah, c'est toi ou c'est le Rasoul. Rasoul il nous informe qu'Allah il descend à la fin de chaque nuit, le dernier tiers de chaque nuit. Anta, tu nous dis Anna c'est pas Allah qui descend, c'est un ange. L'an on lui dit c'est qui connaît mieux Allah, c'est toi ou c'est Rasoul. On revient à la parole de qui, la tienne ou le Rasoul. La chose qui va dire le Rasoul. Qala fasayakoulou la. Aïe le prophète sallam il est alam. لأن il est appuyé par le wahi عليه الصلاة والسلام. قال ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحق صدق وحق فسيقول نعم. Est-ce que ce qui nous a rapporté le prophète صلى الله عليه وسلم les hadiths sahiha est-ce que c'est حق. Il va dire نعم. قال ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا. Tu lui demandes Est-ce que tu connais une personne qui est plus éloquente que le prophète alayhi salatu salam? Il va dire là. L'imada, s'il y a toutes ces qualités, l'imada, tu te forces à changer. L'imada, tu as une chose, si tu la changes, c'est qu'elle n'est pas bien. À où tu veux une chose de meilleure? Sinon, tu auras la conviction que la chose, elle est bien, elle est parfaite, tu n'as pas besoin de la changer. Maintenant, on a la conviction que kalamullah, dans le Coran, ou kalam al-rasul, dans la sunna sahiha, c'est haq et c'est parfait, l'imada, ça vient d'Allah. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de changer, abadan. Là, ce qui les a poussés à changer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour eux. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen leur a posé ces questions. C'est pour ça que tu vas trouver min ashadd an-nas tanaqudan fil asma wa sifat al-ash'ari. Ils se contredisent, une contradiction ajiba. La taghdar, la taghdar al-ash'ari, c'est des dhullal. Qala fa yuqal lah. Alors, il va conclure Cheikh Al-Uthaymeen les deux dialogues, celui qui est en rapport avec كلام الله et le deuxième avec كلام الرسول. قال فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله. شيخ ابن تيمية dit si tu reconnais tout ça الآن, أي كالله il est أعلم بنفسه عز وجل. Et son prophète, c'est la personne qui le connaît le mieux. Kadhalik, l'éloquence. Kadhalik, al-nasadi akhbar sadiqa. Il n'y a pas de mensonge. Si tu reconnais tout ça, l'imada, tu n'as pas le courage de dire Allah, il a deux mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cheikh Ibn Uthaymeen dit l'imada, la yakun indak al-iqdam wa shaja'a. Pourquoi tu n'as pas le courage? Tu dis Allah, il descend le dernier tiers de chaque nuit. Allah, il est au-dessus de son trône. Allah, il a des mains. Allah, il a des doigts. Allah, il a un visage. Les annas ash'ari au fond de lui, ils pensent que zahir al-kalam, c'est du tamthil. Et nous, on lui répond avec toute la munaqasha. Ça veut dire que Allah, il a révélé un kalam, l'apparence, c'est batel. Et ça, c'est grave. Hakad al-ash'ari. Même s'il ne le dit pas clair, sa aqidah et sa position, elle montre qu'il le pense. C'est ça que Cheikh Al-Uthaymeen, il t'a cité tout ça pour te montrer que l'ash'ari, il se contredit. Et il va dire, na'am, le kalam Allah, il est parfait. C'est haq, il faut l'accepter. Tu lui cites un verset sur ses vêtements, il n'accepte pas. L'imada. Il va dire là, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'Allah il a révélé une chose qui n'est pas correcte. Et toi, tu es obligé de la changer. Voilà, c'est un dhalal kébir. Qala Cheikh Ibn Taymiyyah, wa kayfa yakun 'indaka al-iqdam wa ash-shaja'a fi nafi 'aqiqatihi tilk. نعم كيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي نعم حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم alors que tu le trouves il a le courage et il ose dire Allah il a pas de main alors que le texte montre qu'il a des mains في الإثبات il a pas le courage لأنه il a des doutes il peut pas dire Allah il a deux mains في النفي tout simplement et tranquillement le Ash'ari te le dit non Allah il a pas de vraie main ça veut dire كذا فانظر الظلال il a osé renier ce que Allah il a tibet les nefse et il a attribué une chose qu'Allah il a pas tibet les nefse. Al-Ash'ari ont un problème dans l'isbat ou al-nafi, ils n'ont pas les règles qu'on a citées. Ils l'emploient dans certains sifat, mais la vie va te le dire, Allah il a une vraie vie. Enfin, on va lui dire, lakin, l'être humain aussi il a une vie. Enfin, il y a de la ressemblance pour toi. Il va dire là, Allah il a une vie, t'as les qobés, et l'être humain il a une vie faible, baïfa, t'as les qobés. On lui dit c'est exactement pareil pour les mains. Allah il a des mains, t'as les qobés, et l'insan il a des mains faibles avec des imperfections, t'as les qobés. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa ma yadhiruk idha athbatta lillahi ta'ala ma athbatahu li nafsi fi kitabih, aw sunnat nabiyyi ala al-wajh al-la'iq bih, fa akhadta bima ja'a fi al-kitab wa sunnah ithbatan wa nafyan. Tu vas perdre de quoi? Si tu restes à la zahir al-nas, yom qiyama, inshallah ta'ala khayr, lana al-Qur'an, tu l'as pris bi-zahir. Amma madha sayaqulun, avec ce tahrif, tu sais qui t'a dit que c'était pas de vrai main, madha sayaqulun. Qala, alaysa hadha aslam laka wa aqwam li jawabika idha su'ilta yom al-qiyama. Anta, tu dois penser yom qiyama, tu vas être tout seul. Qala, Cheikh Ibn Uthaymeen, alaysa hadha aslam laka wa aqwam li jawabika idha su'ilta yom al-qiyama. ماذا أجبتم المرسلين؟ Ce verset, il montre أن يوم القيامة tu vas être demandé sur ton suivi des prophètes, des messagers. قال شيخ ابن تيمية أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. ربما توا تا اكسبليكي لي صفات دون فاسون ربما ليكسبليكاسيون سي اون اوتر سي اون على تون قول انه يفوا تاويل. Un deuxième, il va venir, il va dire une autre explication. Toi, tu dis c'est la force. Un deuxième, il va dire c'est ni'ma. Ala taqdir jawaz sarfiha. Aïe. On sait que adillat as-sifat reste ala al-zahir. Lakin, en prétendant que tu as le droit de les interpréter. Al-an, s'il y a trois interprétations, choisis laquelle, la tienne ou celle d'un autre. Ça montre qu'ils sont à la batil. Lian al-haqli wahid. Qala al-wajhu al-sadis. Fi ibtal madhhab ahli at-ta'til. أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. لقوا إذا أنتلك des choses graves باطلة des choses fausses. Et si ça implique des choses fausses, ça veut dire que le قول lui-même il est faux. لأن الحق il implique le حق. أما الآن هم ça implique des choses fausses. Ça montre que le قول il est faux. Il va citer ces choses. قال فمن هذه اللوازم أولا. اللوازم c'est les implications, ce que ça va impliquer. اللازم. قال أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا النصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا مستلزم أو موهم للتشبيه الله تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. الآن si tu te poses la question لماذا الأشعري il veut pas admettre qu'Allah il a des vraies mains. لأن pour lui l'apparence du verset, c'est du temtil. Et on sait que le temtil, c'est du kufr. Fal'an, il est en train de te dire que l'apparence du Coran, c'est du kufr. Et ça, c'est grave, là. Vous avez vu l'égarement, wal'iyadu billah. Qala, shoum l'utaymin. Qala, wa tashbihu Allah. Ta'ala bi khalqihi kufrun. Li'annahu takzib li qawlillahi ta'ala laysa kamithlihi shay. Donc cette implication, c'est du kufr. Et le fait que l'apparence des textes c'est du tanfil. قال شيخ العثيمين قال نعيم بن حماد الخزاعي من أئمة السنة قال أحد مشايخ البخاري رحمهم الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر. أن الممثلة كفار. Ceux qui font ressembler Allah à la créature. قال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. قال ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. Ça c'est من أبطل الباطل. Celui qui dit أن l'apparence c'est du تمثيل, ça implique Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé au Coran et à son prophète une chose qu'en apparence c'est du kufr. Ça c'est grave. Qala thaniyan, deuxième chose. Aïe. Ce que ça implique le qawl des ash'ari'a min al-batil. Qala anna kitab Allah ta'ala alladhi anzalahu tibyanan li kulli shay wa hudan lin-nas wa shifaan lima fi as-sudur ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. Avec tout ça à la fin, t'arrives à conclure أن l'apparence elle implique le تمثيل. هذا الأشعري يسكتخذي في هذا لأنه يبقيطان القرآن يمتخذ tout أن القرآن il est clair أن ثم يبين تجي l'apparence des non-sens de صفات c'est du تمثيل et تمثيل c'est du كفر. هذا يسكتخذي هذا الآن. قال وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم ويثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. قال شمل التيمين ثالثا troisième point. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين. قاصرين أي ils savaient pas. مقصرين أي ils savaient لكن ils ont caché. Pour eux. أما نحن on sait très bien que السلف الحمد لله ils étaient à la حق. Et c'est l'Asha'ira qui ont changé. C'est l'Asha'ira qui ont innové. C'est l'Asha'ira qui se sont égarés. كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرفا واحدا فيما ذهب إليه أهل التعطيل صفات الله تعالى وسموه تأويلا. Et en réalité, c'est du tahrif. أن السلف ils ont jamais prétendu ce qu'ils ont dit هؤلاء المعطلة. قال رحمه الله وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته. Ce كلام ça va impliquer أن السلف إما ils n'avaient pas d'ilm, comme on a dit, ce qui vient de citer Cheikh Ibn Taymiyyah, قال أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. أو ils savaient, laquelle ils n'ont pas montré. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهل ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها. Nous on a vu des règles, أن المرجع في العقيدة في القرآن والسنة. الآن عند الأشاعرة la base et la source c'est plus le Coran et le Sunna. لأن القرآن والسنة pour eux l'apparence c'est du tamthil. Maintenant si tu prends l'exemple des deux mains, عندهم la source c'est plus le Coran et le Sunna. La source pour eux c'est l'aql. C'est pour ça que pour lui c'est pas des vraies mains et il va conclure أن ses mains il faut qu'elles soient interprétées, c'est la force. Il a emmené ça d'où ? De son aql. Alors que la source c'est le kitab ou le sunna. قال فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيب. الأشاعرة ils ont pas osé dire comme le Mu'tazila ou le Jahmiya Allah il a pas de sifat. فلهذا tu vas voir la position du Jahmi par rapport au asma ou sifat. Lui il te dit clairement Allah il a pas de nom et attribut. Al-ulama ils les ont kaffa. Tu vas voir Al-Mu'tazili, il va dire Na'am Allah il a des noms, lakin il a pas de sifat. Tu vas voir Al-Ash'ari, ben, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas dit Allah il a pas de main. Il a dit Na'am Allah il a des mains, lakin ça veut dire. Ben, si tu médites, en fin de compte Al-Ash'ari il est comme le Mu'tazili. Al-Mu'tazili il dit qu'Allah il a pas de main. Al-Ash'ari kadhalik il dit Allah il a pas de main. Lakin c'est la méthode, c'est pas la même. Al-Mu'tazili il a démenti direct. Al-Ash'ari il a déformé. Khamisan, cinquième point. Cinquième point, on est toujours fi al-lawazim al-batila. أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجي. فعلى قوله vu que certaines صفات الأشاعرة ils les acceptent pas, ça veut dire qu'on peut faire un nafi. Allah il est en train, il dit dans le Coran وجاء ربك, هو يبي يدي لا, il est pas venu. المعتزلي il est clair, il va dire Allah il a pas ce صفات. الأشاعرة va dire وجاء ربك, en fait c'est un ange qui est venu, c'est pas Allah. Ça revient au même. Sauf que ha'oula ils ont du talbis et ha'oula ils ont été clairs. قال إنه لا يجي أي قول المعطلة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إنه لا ينزل لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم. أي le ظاهر c'est pas le مراد. Pour eux Allah il a dit ça من باب المجاز. Il a dit نزول mais en fait il a pas voulu dire ça. Et il a dit Al-Majid, mais en fait, il n'a pas voulu dire ça. Al-Majaz, comme il a qualifié Ibn al-Qayyim, c'est un tarout. Ils ont inventé ce Majaz pour rejeter les sifats. Et on détaillera le Majaz, fille. Inch'Allah, fi al-Tadmouriya ou fi al-Tahawiyya. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا أن المعطلة قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية الجهمية. Ils ont renié les noms et les attributs. Al-Mu'tazila, ils ont accepté les noms, lakin mujarrad asma. Ce is, il n'implique pas, il n'englobe pas un attribut parfait. Fa'indahum Allah, il est sami' sans sam', il est basir sans basar. C'est des dollal. Al-Ash'ira wal-Maturidiyya, deux sectes, eux, ils ont accepté certains sifat. Aïe, celles qui ne contredisent pas la raison pour eux. Et ils ont rejeté les autres sifat. Il y en a pour eux, ce sifat, ça fait ressembler à Allah aux créatures. Enfin, un, t'as trois cas. T'as un ta'til kulli, al-asma wa sifat. T'as un autre ta'til, ils ont accepté les noms, ils ont rejeté les attributs. T'as un troisième ta'til, ils ont accepté certaines sifat, ils ont rejeté le reste. قال أثبتوا ما أثبتوا بحدة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوا بحدة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. فتو vois bien أن الميزان عند الأشاعرة هو العقل. C'est pas النصوص. لأن ça serait les textes. Un sunni, il attribue à Allah ce qu'il y a dans les textes, dans le Coran ou le Sunna, et il nie un nafi ce qu'il n'y a pas dans les textes et dans le Sunna. Ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a nié ou son prophète. Tu vois, en al-mizan, c'est l'aql. Ce que l'aql, il accepte, ils l'ont pris. Maintenant, l'aql, il accepte qu'Allah il est vivant. Ils l'ont accepté, eux. Ils ont dit Allah, il a une vie. Les mains, on avait dit, c'est une sefa khabariya. L'aql tout seul, il ne peut pas comprendre. L'aql, il suit le texte. Enfin, vu que l'aql tout seul, il ne suit pas, ils l'ont rejeté. Pourtant, il y a des textes. Ça te montre qu'un al-ash'ari, sa source, c'est l'aql. C'est pour ça que c'est égaré. Qala fa naqulu lahum, nafyukum. لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بطريق العقل الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت الدليل السمعي. الأشعري سكونتخدي الآن دو صفة وبدل إن صفة كل أشعري لأكسب إن صفة كلا رجوتي وبدل لا صفة كلا أكسبتي لفي الحياة يعني دليل من القرآن لا شك الله سي الحي سي القيوم العقل il accepte. Enfin, l'Ash'ari il a accepté. Une autre sifa qu'il a rejeté, les mains. Il va te dire, Aw al-Rahma. L'exemple qu'il va citer sur Ibn Taymiyyah, al-Rahma. Il va te dire, Annala, al-Rahma, c'est une faiblesse dans certaines choses. Quand la mère, elle a de la Rahma envers son enfant, ça montre de la douceur, ça montre. Ils disent, Allah, il ne peut pas être comme ça. Ils ont rejeté al-Rahma. Alors que Ibn Taymiyyah, il te dit, Anna, ce qu'ils ont rejeté, le aql, il accepte que d'alik. Un aql salim. قال رحمه الله مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. نعم الأشاعرة ils ont accepté صفة الإرادة أي la volonté. Est-ce qu'Allah il a une volonté? الأشاعري te dit نعم. لأن العقل il accepte facilement هذا. ونفوا صفة الرحمة. Est-ce qu'Allah il a de la رحمة? Non. Alors que الإرادة والرحمة les deux sont dans le Coran et dans le Sunna. قال الشيخ ابن تيمية أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها أن السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. هذا واضح. الله في سكيبه عز وجل. قال وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. كذلك العقل يكسب الإرادة. Tu vois tous les jours des créatures différentes. مثلا الله il a créé des hommes noirs, des hommes blancs, des hommes mat, des grands, des petits, des forts, des moins forts. Tout ça, le aql, il accepte que cette diversité dans le makhlouqat, c'est par la volonté d'Allah. Allah, s'il aurait voulu, il aurait fait le même homme, la même surah, les mêmes capacités, on est tous pareils. Il y a des diversités parce que c'est Allah qui a voulu. Donc le aql, il accepte. Al-Ash'ari, il accepte ce cas. Qala wa naqul aw wa nafu ar-rahmah. لأنها تستلزم لين الرحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى. Ils ont fait rentrer la raison. Pour eux, la rahma, on vous a expliqué أن الأشعري il a un mabda de تمثيل. Pour lui, la rahma, il sait qu'une mère qui fait de la rahma à son fils, elle a de la faiblesse. Peut-être que son fils, s'il fait des choses pas bien, elle le rahme. Et la rahma, ça montre la douceur, ça montre. Pour eux, Allah, il ne peut pas être comme ça. نحن لغد نعم لكن كيسا كي تديك الله صار رحمة لكم لك خاتشور أولا الله إنه رحمة لكم سنديك خاتشور. قال وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل تفسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. Ils ont expliqué الرحمة en fait c'est il veut الرحمة الله dès qu'il fait الرحمة à quelqu'un أي c'est il lui donne une ni'ma. قال شيخ ابن عثيمين قال فنقول لهم الرحمة ثابتة لله بالأدلة السمعية. قال وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. Première chose, les أدلة de la رحمة ils sont beaucoup plus nombreux que de l'إرادة. فpourquoi t'as accepté l'إرادة et t'as rejeté الرحمة alors que les أدلة ils sont plus nombreux. ثانيا قال فقد وردت أو يكونتينيو فقد وردت بالإسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة والفعل مثل ويرحم من يشاء. Tous ces adil-là, Avec tout ça, tu les trouves, ils rejettent. قال ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على إثبات الرحمة لله. الآن tous les bienfaits que tu vois en toi. هذا il a des enfants, هذا il est en bonne santé. Alhamdulillah, il y a de la pluie, il y a de la verdure. Tout ça c'est un atar min rahmatillah. فالعقل il accepte هذا. فنحن جو أشعر pourquoi tu l'acceptes pas en toi. لأن le dalil العقل il accepte. أما ton عقل facile, il a pensé que ça ressemblait aux créatures. C'est ça qu'ils ont fait, qu'ils ont rejeté. قال في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل ودلالته على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة. ففي الحقيقة ستنعقد عجيب. تدو صفات الرحمة والإرادة. Ils ont accepté الإرادة et ils ont rejeté الرحمة. Alors que الرحمة il y a plus de دليل et que ذلك la raison l'accepte. Normalement ils auraient dû accepter الرحمة. Normalement, ils acceptent toutes les zavat. Lakin, nous, on dit avec leur méthodologie à eux, l'aql. Hada. Qala bi khilaf dalalat at-takhsis 'ala al-irada fa innahu la yadhhar illa li afrad min an-nas. C'est pour ça qu'un ammi, la plupart des awam, ils connaissent sifat ar-rahma. Qala Cheikh Al-Uthaymeen. Wa amma nafyuha bi hujjat annaha tastalzim al-lin war-riqqa ay الرحمة فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكننا في الإرادة بمثلها فيقل. الآن إذا غجت صفة الرحمة بخوة لأن الرحمة سبب أمبليكين فبلس شيخ العثيمين يدعي على قولكم الإرادة كذلك أي لا فولونتي. قال فيقل الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزع عن ذلك. سيتوني أكشبك الإرادة إرادة المخلوق. Al-irada, une volonté, hey, tu peux pencher, avoir une volonté ici, ou une autre volonté. Maintenant, les gens, ils ont une volonté vers Shar. Les autres personnes, ils ont une volonté vers Al-Khay. Enfin, si on dit cette volonté, la volonté, ça implique, tu peux basculer à droite ou à gauche, Al-Shar ou Al-Khay. Allah, il est munazza'anada. À la qu'on l'achara, on dit, Allah, il ne peut pas avoir de volonté. Al-Jawab, anna al-irada, iradatullah, idha udhifat ilallah, c'est une irada khassa billah. La irada qu'il a expliqué, c'est irada le makhlouq. La chèque, il y a de la faiblesse. Lakin, nous, là, on est fait irada tillah. Fa, on dit, Allah, il a une irada, elle est parfaite. Elle ne ressemble pas à irada le makhlouq. Fa, l'an, l'ash'ari, il a fait ça pour l'irada. L'an, l'ash'ari, il accepte cette irada. Lakin, pourquoi il a rejeté le rahma? L'an, il présente que le rahma, c'est une faiblesse, même pour la créature. Fa, imma, t'acceptes les deux sifas, al rahma ou l'irada. Imma, tu rejettes les deux. Si tu ne veux pas te contredire, la chèque à l'aqidat al-sunnah, c'est que tu acceptes toutes les sifat. Qala, fa'in ujiba bi anna hadhi iradat al-makhlouq, amkan al-jawab bi mitlihi fi al-rahma bi anna al-rahma al-mustajima lil-naqs hiya rahmat al-makhlouq. Si tu dois ash'ari l'an al-irada, ça peut être une volonté vers le bien ou vers le mal. Il va te dire non, mais ça c'est la volonté de la créature. Parce que lui, il dit qu'Allah il a une volonté de l'Ash'ari. Si tu lui dis cette volonté faible, il va te dire c'est la volonté de la créature. Fait tu lui dis que la rahma, t'as dit que c'est une faiblesse, c'est la rahma de la créature. Fait comme tu as admis qu'Allah il a une irada, et la irada qui est faible, c'est pour le makhlouq, que tu acceptes qu'Allah il a une rahma, et la rahma ou qui est une faiblesse, une imperfection, c'est pour le makhlouq. Al-Haqq ne se contredit pas. C'est ça que tu trouves, mais le jour où tu es un ulama al-sunnah, simplement il répond à Haoula. Mais Al-Haqq ne se contredit pas. Amma al-batil la boutu te contredit. Comme a dit Allah Azza wa Jal, wa law kana min indi ghayrillah, la wajadu fi ikhtilafan kathira. Al-An, limada ton avis al-Ash'ari al-An yat'ab hakada. Toujours ils sont dans des contradictions. Li-Anna, ils n'ont pas pris les sifat min al-kitab ou min al-sunnah. Al-Aql, il prend ce qu'il veut et il rejette ce qu'il veut. Enfin, il se contredit. Al-Ash'ari dit Allah il a l'irada, lakin il n'a pas rahma. Cheikh Al-Uthaymeen leur a prouvé que c'est la même chose, min hayt al-istidlal. Allah il a rahma, il a l'irada. Si tu rejettes une, tu dois rejeter l'autre. Si tu acceptes une, tu dois accepter l'autre. Amma te contredire, abadan. Qala wa bihi ulima anna tariq al-ash'ari wal maturidiyya fi asma'illahi wa sifatihi wa mahtaju bih. Lidhalik la tandafi' bihi shubha al-mu'tazila wal jahmiya dhalika min wajhay. Cheikh Al-Uthaymeen il va te faire montrer anna à l'époque il y a eu un sira' kabir entre al-mu'tazila wal ash'ari. Et à cause de ça, بعض الناس ils ont cru que l'ash'ari c'était ahl al-sunnah. لأن l'ash'ari ils ont combattu le mu'tazila. Ou ils ont voulu démontrer que le Mu'tazila c'est des égarés. Cheikh Al-Taymi dit أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. شو نتيمين إذا مثلا الأشاعرة ils ont répondu aux معتزلة لكن بالبدعة. قال شو نتيمين الثاني أن المعتزلة والجامية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوا عن الأشاعرة والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوا على أهل السنة. المعتزلة شنو يجي؟ Est-ce qu'Allah il a sifat al-irada? Al-Mu'tazili va répondre non. Al-Ash'ari va répondre non. Al-An al-Ash'ari il va dire au Mu'tazili pourquoi tu dis qu'Allah il a pas sifat al-irada? Al-Mu'tazili va répondre li'anna ça fait ressembler aux créatures. Al-An al-Ash'ari va dire là c'est une irada pour Allah. Nous on dit la même chose au Ash'ari. On lui dit l'An tu reproches au Mu'tazili cette chose. Nous maintenant on te dit pourquoi tu dis qu'Allah il n'a pas de main. Il va dire ça fait ressembler au créateur. On lui dit t'es comme le Mu'tazili. قال فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات لما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمع فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا. المعتزلي va répondre ça au Ash'ari. Va dire toi t'es en train de me dire que moi, j'ai pas accepté ce sifat à cause de mon aql. Toi aussi, t'as pas accepté certains sifat à cause de ton aql. As-salama, c'est une sunnah. Ça montre qu'on ne répond jamais au batil par le batil. Même tu vois un frère, il a une faiblesse, il est à la batil, et tu veux lui répondre pour batil, tu te feras du mal. Réponds au batil avec le haqq. فلنا عقول كما أن لكم عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولهم عقولكم صائبة؟ ça c'est la réponse des Mu'tazila ou Ash'ar. لأن vous fonctionnez avec l'aql, nous fonctionnez avec l'aql. Pourquoi ton aql aurait raison, le mien aurait tort? As-Sunni vient et leur dit ton aql il est khata, ton aql il est khata. لأن il faut revenir au kitab et à l'As-Sunni. قال الشيخ العثيمين فكيف كانت عقولكم صائبة وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة وليس لكم حجة بالإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. قال رحمه الله وهذه حجة دامغة. قال في الحاشية قال شيخ الإسلام في رده على الرازي فإن هذا الرجل وأمثاله لا يحتجون بحجة إلا وهي عليهم لا لهم. نعم أهل الباطل quand ils se servent d'une preuve, elle revient contre eux. Al-Ash'ara, ils ont eu des preuves contre Mu'tazila, elle s'est retournée contre eux. Si ils disent au Mu'tazila, vous fonctionnez avec la raison, Mu'tazili lui dit, toi aussi tu fonctionnes avec la raison. Si lui dit, vous avez renié de ses fêtes, Mu'tazili lui dit, toi aussi tu as renié de ses fêtes. Amma al-Haq, là, ta hujja est qawiyya. Tu lui dis, vous deux, vous êtes dans l'erreur, les Anna, on a des preuves dans le Coran, la Sunna, de ce que vous reniez. Et il ne pourra plus te répondre. وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية لا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذهب السلف الذي يطردون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شغلة تيميني كونكلو Anna, haoulah ils se sont contredits. Et ils te montrent Anna Salama les filles madame Salaf. Et Anna madame Salaf, il n'y a pas de contradiction. Qala Shoum al-Taymin, tambihun, ulima mimma sabak, anna kulla mu'attil mumathil, wa kullu mumathil mu'attil, indaman. Si tu as compris tout ce qu'on a vu aujourd'hui et avant, tu sauras que chaque mu'attil c'est un mumathil. Et chaque mumathil c'est un mu'attil. Indaman. عندك أعطي مثال الوجه يقولون الوجه مثل الوجه المخلوقات ثم عطلوا. أحسنت كل معطل ممثل. أصحاب التعطيل qu'on a vu que ça soit الجهمية que ça soit المعتزلة que ça soit الأشاعرة avant de faire le ta'til, ils ont fait du tamthil. Les nations se posent la question, pourquoi ils ont fait du ta'til? Maintenant, les trois, ils ont rejeté la main. Pourquoi? Il y en a pour eux, les mains, ça ressemble aux créatures. Enfin, c'est des mu'tazila. Et ils sont tombés dans le ta'til. Nakmil, Inch'Allah. Fa, kullu mu'attil mu'tazil. Alors, tu as deux choses. Tu as ta'til et tamthil. Cheikh Ibn Taymiyyah, il te montre que ça va ensemble. Celui qui fait du ta'til, il a fait son ta'til li'anna, il est passé une étape avant par le tamthil. Mathalan, on a dit al-Asha'ira, al-Mu'tazila, al-Jahmiyyah, al-Maturidiyyah, tous les mu'attila, ils disent Allah, il n'a pas de main. Pourquoi? Li'anna, pour eux, les mains, ça ressemble aux mains de la créature. Enfin, ils ont fait du tamthil, thumma, ils ont fait du ta'til. هذا فكل معطل ممثل الآن العكس كل ممثل معطل عند من يقول يد الله كمثل يد خلاص يقول يد الله كيد المخلوق ساسيدو تمثيل إلو التعطيل حقيقة أحسنت en disant qu'Allah il a les mêmes mains du makhlouq. Est-ce qu'il a admis qu'Allah il a des mains? Là, il est en train de dire Allah il a les mains du makhlouq. Ça c'est du tamthil. En même temps il a fait du ta'til. Li'anna, pour lui Allah il n'a pas des mains. La'iqa billah azza wa jalla. Il a fait du tamthil et son tamthil il a impliqué du ta'til. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala amma ta'til al-mu'attil fa zahir. Na'am. Mathalan al-Jahmi il nie les noms, il nie les attributs. Qala fa zahir wa amma tamthiluh. Hadi yaqul qa'il il est où le tamthil du mu'attil? قال شيخ العثيمين فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وعطل ثانيا أي المعطل سممثل لأن avant de faire son ta'til il est passé par l'étape du tamthil. Quand il a fait du tamthil il s'est rendu compte que Allah il ressemble aux créatures, il a dit Allah il a pas de صفات. قال كما أنه بتعطيله مثله بالناقص وأما تمثيل الممثل فظاهر. On passe au deuxième cas. Tamthil al-mumathil, il est zahir. Il dit Allah, il a des mains comme la créature. Ça, mumathil. Lakin, il est où son ta'til? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa amma ta'tiluhu fi min thalathati awjuh. Qala al-awwal annahu 'attala nafs an-nass alladhi athbathahu bihi as-sifah, haythu ja'alahu dallan 'ala at-tamthil, ma'a annahu la dalalata fi 'alayh. Na'am. Fa il 'attala an-nass 'ala ma'naha as-sahiha. Allah dit qu'il a deux mains, lui il a 'attala son nass. Il dit Allah il a deux mains comme la créature. Il est où le nas? Le Coran et le Sunna, l'an, il nous montre des mains. Qala wa innama yadul ala sifatin taliqu billahi azza wa jal. Al-thani annahu attala kullu nas yadul ala nafi mu'atila lillahi li khalqi. Kadhalik il attal qawlullah azza wa jal laysa kamithlihi shay. Là, il fait du tamthil. Il est où le nas laysa kamithlihi shay? Qala al-thalith annahu attala Allah ta'ala an kamalihi al-wajib. Et c'est celui-là qu'on a cité. Nous, on n'en a cité qu'un. Si on lui demande l'an, est-ce qu'Allah il a des vraies mains? Taliqu billah azza wa jalla? Non. Parce que pour lui, les mains d'Allah, c'est comme celles du makhlouq. Il a attal les vraies mains. قال انه عطل الله عن كماله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص فالشك معطل سممثل الشك ممثل سمعطل والله تعالى اعلم قد يشكل le dernier كلام les ردود المعتزله الاشاعره على بعض الاخوه celui qui a pas compris l'amr il est simple لان نحن on va le revoir inchallah dans l'wasitiyya قليل خاصه dans التدموريه ça sera beaucoup sur هذا. L'essentiel, tu révises bien les 7 règles dans l'asma, les 7 règles dans le sifat et les 4 règles dans l'asma en sifat. Et la dernière, les détails, si tu n'as pas compris, al-amr sahl. Tu n'as pas compris ce livre, tu comprendras le prochain. Al-an, si tu as compris c'est quoi shubhat al-mu'attila ay sid tamthil, tu as compris que l'asha'ira se contredisent, tu as compris leur contradiction, certains sifat ils les acceptent, d'autres ils les rejettent, fa inshallah ta'ala khair. Amma le reste, qalil qalil. Mais nous, on n'aurait pas cité tout ça. لأن الشيخ المعتمين لا سيتي الآن vous comprenez pourquoi on lit pas la fin لأن la fin الآن ça va être compliqué رد الشبه كلام بعض الإخوة ربما ils comprendront pas ça on le délaisse et on le finira inshallah à la fin si on a le temps dès qu'on aura fini التدموري الحموية tous les livres on reviendra au فصل الرابع et on le lira inshallah ça sera très simple لأن on aura les bases أما الآن ربما ça sera difficile pour certains frères فلهذا on s'arrête là فبهذا on a fini ce livre. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأن يجعل هذا الجهد في ميزان حسناته يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Samedi بإذن الله on commence المراجعة. المراجعة ليس لا simple. Simplifier les choses. on vous demandera pas tout en détail. Nahlou, mathalan, si on prend la première qaïda, tu t'apprends la qaïda si tu peux, par cœur. Asma'ullahu ta'ala kulluha husna. Ça, c'est la première qaïda. Thumma, on va vous demander le sens. Ça veut dire quoi? Asma'ullahu kulluha husna, parce que, il t'explique. Parce que, mathalan, parce que chaque nom, il englobe un attribut parfait. Et cet attribut parfait, il rend le ism parfait. Thumma, on te demandera des dalils sur ce qaïda. Mathalan, t'apprends un verset. Wallahi al-asma'ul husna. Khalas, tu passes à la deuxième. Pas besoin de refaire le dars. Nous, c'est le muraja'a. Celui qui a des ishkalat kadalik, il les note. Yannal-an-anta, tu vas commencer ta muraja'a. Tu vas commencer avec la qaïda numéro 1. Tu vas avancer, peut-être troisième qaïda, t'as un problème. Note, ya akhi. Pendant la muraja'a, tu lèves la main. Ya akhi, en fait, j'avais pas compris ça. Et nous, on en profite. Enfin, prenez l'habitude de ça. Vous résumez et vous notez les points où vous avez des problèmes. Et on demande. Si on n'arrive pas à nous répondre, on demandera un autre. Inch'Allah ta'ala.